considère mon rôle, c'est de garder l'équipe ensemble et de m'assurer que, dans l'intérêt de tous les Montréalais et toutes les Montréalaises, que la vie continue à la ville de Montréal. Aussi charismatique que Barack Obama, on espère qu'il fera beaucoup plus que deux mandats à la présidence de la soirée est encore jeune. Voici votre animateur, Jean-Philippe Vautier. Hey, merci. Merci d'être ici ce soir. Merci beaucoup parce que franchement, bonsoir tout le monde premièrement. Il est à peine 19h, vous le savez, la soirée est encore jeune et justement, ça va nous donner le temps de nous remettre de cette semaine extraordinaire qu'on vient de vivre. Hein. Obama réélu. Gérald Tremblay qui démissionne. Gilles Vaillancourt surtout qui a vendu sa maison au prix du marché. Ouais, ça c'est spécial. Hey, je veux dire, juste ça, c'est extraordinaire. Fred Savard, bonsoir. Bonsoir. Hey, quelle semaine. Quelle semaine. Oui, mais à part pour Mario Dumont. Ouais. Ah ouais oui, mais non mais pauvre Mario, mais c'est pas de sa faute. Bien. Il avait prédit que Gérald Tremblay allait rester à la mairie lundi. Ouais. Il avait prédit la victoire de Romney mardi. Ouais. Bon, ça c'est un flair politique. Qu'est-ce que je veux dire? C'est non, mais il devrait se recycler dans le sondage et il serait presque aussi bon que léger marketing. Oui. Non, il y a un talent, Mario, pour les marges d'erreur. Ah, c'est dans marge d'erreur qu'il est bon, Mario. C'est ça. Ouais. N'empêche, la vraie nouvelle cette semaine, c'est la démission de Gérald Tremblay. Vous l'avez vu quand même. Surpris, Fred? Un peu, hein. Comme gagner à l'auto, t'achètes tes billets, t'espères, puis quand ça arrive, ben, c'est toujours surprenant. Ah oui, ça prend par surprise. Tout le temps ça. Surtout que dans son cas, c'est un billet avec extra. Hein. Oui. Cela dit, vous étiez pas le seul à être surpris, non. Fred. Je sais pas si vous avez regardé le discours de Gérald Tremblay. Elle s'était tellement lu, ce discours-là, comme si c'était la première fois qu'il le lisait. Hein? Il a été surpris de lire ce qu'il lisait. Hein? Mais ça, je démissionne. C'était pas ça qu'on disait à la réunion. C'est quoi cette affaire-là? Non, mais n'empêche, il va falloir quand même trouver un nouveau maire pour Montréal. Ouais, bah, regarde, ça stresse pas. Vous le savez, vous l'avez lu. Là, le 16 novembre prochain, on va le savoir. En attendant, on aura la très, très confiante Jane Cowell Poitras, qu'on a entendue en ouverture d'émission. Ouais. Hein? Alors, moi, j'ai rien contre Mme Poitras, mais je pense qu'un slinky pourrait très bien faire l'affaire. Mais comme maire de Montréal, c'est pas fou ça. Tu laisses ça aller, puis ça descend tout ça. Puis tu manques jamais de respect à un slinky. Hein. Non. En tout cas, moi, je suis pas porté à manquer de respect à un slinky, mais ça, c'est moi. Mais parlant d'affaires molles qui résistent au temps, c'est l'arrivée des nouveaux 20$ en polymère. Ouais. Hein, c'est en circulation cette semaine. Ouais. Hein? Je sais pas s'il y en a qui en ont. Bon, mon Dieu, pas dans ça, la circulation. Non. Mais bon. Mais ce que j'ai entendu dire quand même, c'est que la ville de Montréal attendait ces nouveaux coffres-forts en polymère qui vont avec. Oui. Et ça, non, mais ça, c'est le fun, parce qu'un coffre-fort en plastique, là, c'est beaucoup plus souple quand ça déborde. Oui. Tu sais, il y a moyen de twister là, des coffres en polymère, dites-moi pas qu'on va avoir plus qu'un maire. C'est-à-dire? Ça va encore nous coûter une fortune, cette affaire-là, voyons donc. Ah, polymère. Oui. C'est difficile de faire une transition après une joke de même. Oui. Ben, regarde, parlant de polymère et d'argent sale. Ouais, et voilà. Ah, on a appris cette semaine que Denis Coderre aurait lui aussi accepté de l'argent pas propre. Mais c'est drôle, hein? On le voit moins sur Twitter ces temps-ci, Denis. Il est comme tranquille. Oui. Puis honnêtement, vous autres, là, c'est pas une si mauvaise chose que ça. Non, mais de temps en temps. Fait qu'à ce temps, on connaît la recette. Là. Quand vous êtes tanné d'entendre ou de lire Denis, ben, vous lui envoyez une petite enveloppe avec un peu d'argent sale. Voilà. Pouf. Bingo. Toujours question d'argent sale, il y a le nouveau blogueur du Journal de Montréal, Gilles Duceppe, qui a proposé... Non, c'est vrai, il est nouvellement blogueur. Oui. Gilles Duceppe, qui a proposé la création d'une très prometteuse loi anti-mafia cette semaine. Oui. Hein? Et on sent déjà les caïds d'Italiens sur les narines. Ah ouais, non, mais venant d'un gars qui n'a même pas été capable de se débarrasser de Pauline Marois, on s'entend que c'est intimidant. Bon. Il y a une autre loi qui risque de pas trop être intimidante, c'est la loi 2 du Parti québécois. Comment ça, la loi 2? Ben on passait à la loi 101 en 77, puis là, on est juste rendu à la loi 2. On recule encore avec le PQ. Hein? Frère, mon oncle Savard, là, respirez. Donc, je disais la loi 2, qui vise à réduire de 1 000 $ à 100 $ le don maximal qu'un individu peut faire à un parti politique. Et ça, c'est bien maudit, hein, parce que la CAQ avait un buffet à 400$ le couvert prévu là, très bientôt. Ouais. Pas de blague. Fait qu'il va falloir qu'il baisse ça à 100$. Il va falloir couper ses petites saucisses. Ben oui, c'est des patates qui vont subir les contre-coups. Ouais. C'est de même, qu'est-ce que vous juste voulez? Juste la pleure. Ça va être du congelé, petit mécan. Mais à mon avis, ça finit au commensal, cette histoire-là. Puis c'est ça qui est semble que François Legault, je le vois, flexitarien. Un flexitarien, ça, c'est quelqu'un qui change d'idée, ouais, c'est ça? Ouais. On va s'entendre qu'il va être excellent là-dedans. Ouais, c'est clair. Parlant d'excellence, ben, je sais pas si vous êtes au courant, là, mais Barack Obama a gagné les élections. Ah, finalement, ouais, c'est lui? Ouais, ouais. Parce que selon tous les médias, sauf Fox News. Ah ouais. Ça, c'est clair. D'ailleurs, paraît que les républicains ont bien, bien de la misère à digérer cette affaire-là, tellement qu'il y a une rumeur, là, je sais pas si vous l'avez entendu, l'Alberta menace de se séparer des États-Unis. Ah ouais. Ah non, c'est une affaire de fou. Non, non, mais quand on y pense, là, pourquoi que les républicains ont perdu les élections, hein? La cause des femmes puis du vote ethnique? Ah? C'est-tu moi où vous sentez le scotch, Fred? Avez-vous bu? Bois! 4 ou 5! Ah, c'est ça. En tout cas, maintenant qu'il a été... Merci pour l'imitation, Fred. Non, ça a terminé. C'est la dernière fois de ma carrière que je fais des imitations. D'accord. Non, mais maintenant qu'il a été réélu, là, hein, Obama va avoir sûrement des nouvelles promesses qu'il va pas pouvoir tenir. Ça, c'est très exactement ouais. Comme son premier mandat, finalement. Oui, mais sachez quand même, si on le dit, hein, les présidents américains, quand ils sont dans leur deuxième mandat, là, sont beaucoup plus enclins à prendre des risques. Et ça, c'est... Ça, c'est vrai. Le meilleur exemple, c'est Bill Clinton, hein, ouais. Qui a attendu son second mandat pour s'humidifier le cigare avec sa stagiaire. C'était même pas une promesse, ça. Non, ben pas à la population, non, en tout cas. Non, ouais. En même temps, je sais pas c'est quoi qui gérait. Enfin. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de stagiaire, disons. Me semble. Ça sera pas à soir, en tout cas. Non? C'est sûr. Non. On n'a pas le temps, là, c'est ça, non, la fin. Non. Ben, regarde, c'est pas grave, parce que nous, on a encore mieux. On a deux extraordinaires invités. D'abord, on aura Jamila Benhabib, qui est maintenant installée à Trois-Rivières, je pense, et qui publie un nouveau livre sur les femmes, et le printemps arabe. Hein, c'est une drôle d'idée, ça. Le livre sur les femmes. Non, c'est installé à Trois-Rivières. Oui, bon, ça, on va y en parler tantôt. On reçoit également Jean-Luc Mongrain, un communicateur hors pair que vous connaissez très bien, qui prépare, ben oui, tout à fait, et qui prépare lui aussi. Un livre! Ben là, on n'aura pas assez de yeux pour lire tout ce qui se publie. Ouais. Ça continue, voyons donc. On a quand même du temps devant nous, Fred, parce que la soirée est encore jeune. Aha! Ben merci d'être à l'écoute encore une fois. Guillaume Saint-Onge, qui est en remplacement d'Olivier Niquette. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien. Vous occupez aussi de ça, l'Internet? Je connais beaucoup ça, les Internets. Alors, allons-y tout de suite. Oui. Facebook.com/ la soirée est encore jeune en un seul mot. Mm-hmm. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Twitter.com/ la soirée ou sur notre site radio-canada.ca/ la soirée où vous trouverez d'ailleurs une photo d'Isaac, la chèvre qui a donné son appui à Obama. Ouais, ouais. Et suite à ça, Obama a gagné presque tous les swing states. Ouais. Coïncidence? Je ne pense pas. Je pense que c'est la première fois qu'on entend les adresses web aussi bien ouais. prononcées. Là, je pense hein. qu'on va recevoir des courriels, là, ben maintenant. Enfin, enfin, des abonnés. Bon, salut Olivier. Mais grosse semaine d'actualité, vous l'avez vu. Écoutez, on en a parlé un peu tantôt, tellement que on n'a pas eu le temps d'aborder le sujet, à mon avis, qu'on aurait dû aborder. Hein. C'est cette bagarre générale de 15 danseuses à Sherbrooke. Cette ben ouais. C'est pas une blague, c'est non. pas une blague. Ça s'est passé au bar de danseuses chez Rita. Ouais. Et paraît d'ailleurs que la police est arrivée trop tard pour arrêter l'échauffourée. Je sais pas pourquoi tu dis ce mot-là. Mais c'est ça qui était écrit. À mon avis, ils étaient déjà là, mais ils se sont sentis mal d'intervenir tout de suite. Moi, ah, c'est ça, que c'est ça. Ah, c'est ça. Ouais. Ça aurait fait bête, hein? Comme, ouais. On se lève, tu sais. On est, non. Ils ont laissé le temps passer, puis whoop, on n'était pas là. Si vous voulez, on est arrivé tard. Ben oui, c'est pas grave. Notre premier ministre, Stephen Harper, est en Inde. Vous l'avez vu aussi cette semaine pour une mission commerciale. Et en cette période de coupure et d'austérité, hein, il a choisi de voyager léger. Il a amené une limousine et un VUS blindé. Ben oui, ben pas oui fou. Dans son F-18, qu'est-ce que vous voulez. Ce qui a inspiré notre palmarès hebdomadaire. Alors voici donc 5 choses qu'Harper a pu apporter en voyage. En 5e position, des portraits de la reine. Mais ils en ont déjà, eux autres. Ouais. Puis en plus, ils aiment les Anglais là-bas. Je pense ouais. que Gandhi, il tripait bien gros sur la reine dans le temps. Gandhi, c'est un Indien. Oui. Le député de Québec solidaire. Non. Son beau-frère. Ah. En 4e position, la guerre de 1812. Ah ouais. Ah. Puis ça s'amène toujours bien une guerre en avion. Ouais, ben surtout celle-là, elle a duré un avant-midi. Ben oui, ça rend un bagage à main. Ouais. En 3e position, notre overstock d'amiante. Ah! Puis ça, les... Ben c'est pour ça, le petit chapeau blanc! Ouais, c'est comme un masque, mais il s'est mis sa tête. Ouais, c'est ouais. ça. Il était beau avec ça, hein? Oui. En 2e position, François Rebello. Ah! En fait, c'est François qui l'aurait demandé, il paraît. Ouais, il s'est accroché après l'aile. Ouais, ça, c'est sa meilleure chance de se rapprocher d'un aile parlementaire, ça. Elle est bonne. En première position... Ah, en première position, celle-là, je ne la lis pas, messieurs. Franchement. Ben voyons, elle est super bonne. Regarde, check l'autre. Mais regarde, va la lire, moi. Ouais. Première position, Gaëtan Barrette pour balancer le poids des limousines. Franchement, hey, non, mais wow. On a fait le tour, là, Gaëtan Barrette, mais on va arrêter, là. Ouais, ben, faire le tour, c'est un... Le tour, c'est un... Bon, Fred, notre premier invité, s'il vous plaît. Militante de longue date, féministe, essayiste, percutante, notre première invitée est une missionnaire de la laïcité, même si son style n'est pas toujours orthodoxe. Accueillons Madame Jamila Benhabib. Merci, merci de venir à la soirée. Merci à vous de m'avoir invité. Ça va bien? Ça va très bien. Une bière, on offre souvent une bière à nos invités. Oui, pourquoi pas. Ben, tout à fait. Alors, j'ai le choix, rousse ou blonde, c'est rien que ça, finalement. Non, des fois, je n'ai plus, mais qu'est-ce que vous voulez, on est en période d'austérité partout. Rousse? Oui, pourquoi pas. Bon, mais j'ai un feeling rousse. C'est votre robe, en fait. Mais vous, je vous dis... Tiens. Vous allez bien, Jamila? Oui, ça va bien, je vous remercie. Je lisais, parce qu'on a entendu parler de vous pendant tout l'été, pendant toute la campagne électorale. Oui. Et là, évidemment, vous vous préparez à sortir un nouveau livre. Et là, je lisais votre bio. Vous êtes née en Ukraine, d'une mère chypriote grecque et d'un père algérien. Je voudrais pas lui donner raison, mais le maire de Chicoutimi, Jean Tremblay, là, il pouvait bien trouver que vous veniez d'ailleurs. Parce que c'est beaucoup d'ailleurs à une personne, ça. Mais là, en plus, vous êtes aujourd'hui québécoise. Exact. Et là, vous venez de perdre, de très peu, dans un comté de Trois-Rivières. Exact. Vous, qui avez vécu ailleurs, notre système démocratique, là, il est-tu si pire que ça? Non, pourquoi vous dites qu'il est pire? Parce qu'on n'arrête pas de chialer après. On parle de on veut un vote... La date fixe, la date fixe, ouais. C'est clair. Mais parce qu'on veut deux choses. On veut d'abord, la proportionnelle? Non, d'abord on veut un pays, puis on veut un pays parfait, alors. C'est pour ça qu'on chiale beaucoup, ces temps-ci. Et est-ce que c'est éventuellement possible, ça? Dans le meilleur des mondes, on n'est pas encore arrivé à inventer un pays parfait. On le sait, on va avoir des élections provinciales le 21 novembre prochain, après le dépôt du budget. Là. Ça va sauter, cette affaire-là. C'est un scoop, ça? Et le 21 novembre prochain, s'il y a des élections, est-ce que vous allez vous représenter? Ben écoutez, va falloir que je réfléchisse. Ben c'est vite, c'est ça, le 21, c'est dans 15 jours. Ben honnêtement, ma valise n'est pas encore défaite. Parce que vous êtes arrivé à Trois-Rivières, là? C'est ça, pas encore, je suis en train d'arriver. C'est un processus. C'est long, l'arrivée à Trois-Rivières, c'est long. Il y a plein de niveaux de processus pour déménager à Trois-Rivières, on comprend. Mais vous voulez vraiment vous établir à Trois-Rivières? Oui, ça c'est... J'ai déjà acheté une maison, en fait. Arrêtez donc. Oui. C'est vrai? Oui. Sur le bord de l'eau ou... Pas très loin. Il y a des maisons à Trois-Rivières qu'on entend dans la foule. C'est la foule, là, c'est pas moi. Non, je sais. Mais dans quel coin? Est-ce que c'est beau, Trois-Rivières? Je connais pas Trois-Rivières. Ben écoutez, vous viendrez me rendre visite. On fera un petit tour. Tu penses que c'est un deal? Oui. Oui, je pense qu'on a un deal. Et là, je vous parle, puis je vois que j'ai oublié d'enlever le crucifix qui est au-dessus de votre tête. Je me sens assez mal. Ben non, on l'a accroché la semaine passée. Je l'avais même pas remarqué. Ben, vous avez vu comment c'est pas si grave que ça, un crucifix? Ça dérange personne. Mais là, on a entendu parler de vous pendant l'élection, évidemment, parce que il y a eu cette polémique qui a été aussi alimentée par Jean Tremblay, le maire de Chicoutimi. Et en rétrospective, là, cette polémique-là, là, ça a été un plus ou un moins pour votre campagne? Je sais pas. Honnêtement, je saurais pas vous dire. Mais vous avez pas eu l'impression de vous débattre pour quelque chose, en fait, qui n'était pas nécessairement le point central des enjeux qu'il y avait à Trois-Rivières, par exemple? Parce que ça a pris le haut du pavé, ça, cette discussion-là. Non, mais je pense que, de toute façon, quel que soit l'endroit où on habite dans le monde, il est important de séparer le politique du religieux. Et on le voit avec les élections, par exemple, américaines. Les dieux ne sont jamais très loin de la cité. Et ce n'est jamais très bon pour la bonne santé, en fait, de la politique de façon générale. Justement, pendant la campagne américaine, on en a très peu parlé, probablement parce que Mitt Romney ne voulait pas faire trop de publicité sur sa religion à lui. Évidemment, il est mormon. Ça aurait été quoi, un mormon à la présidence des États-Unis? Comment vous auriez vu ça? Parce que la religion est un sujet assez important pour vous. Oui, ben, pour moi, ben, non, pas vraiment. Oui, non, je comprends. Le pas de religion, en fait, le pas de... Oui, je comprends ce que je veux dire, là. Écrivez des livres là-dessus, je veux dire. Non, mais ça aurait été un grave recul, en fait. L'arrivée de Romney? Oui, absolument. Sur beaucoup de plans, je veux dire, c'est pas... Il y a pas du monde d'accord avec vous dans la foule. Vous avez, quand on parle de Trois-Rivières, ça me rappelle, vous savez, on a reçu Pauline Marois et Léo Bureau-Bloin en début d'été. Uh-huh. Les deux nous disaient, on ne savait pas encore que Léo allait se présenter. Et on parlait de la circonscription de Trois-Rivières. Vous vous rappelez de ça, hein? Non, je m'en souviens pas. Je vais vous le rappeler. Hein? OK. Et l'association péquiste du comté avait refusé la candidature. Ah bon? Parce ah qu'on ben, disait que... Je m'en rappelle plus. C'est un comté plutôt âgé et conservateur qui n'était pas prêt. Je vous le dis, là. Écoutez-moi, vous allez vous en souvenir. Vous m'apprenez des choses sur Trois-Rivières. Paraît-il qu'à Trois-Rivières, c'est un comté âgé et conservateur qui n'était pas prêt pour une candidature de l'extérieur. Voyons donc. Ben, je vous le dis, non, je le lis là. Pas. Ben, je vous le dis. C'est faux. Ben, vous venez d'acheter une maison. C'est ça. Les gens sont super fins à Trois-Rivières. Est-ce qu'il y a des trifluviens ici? Bon. Non, il y a des gens qui ont de la famille à Trois-Rivières. Est-ce qu'il y en a? Des amis. Ah, on des voit des gens à l'arrière. Ben oui. Voilà. Il y en a une personne. Bon. Très bien. Ben, de la bien. Fine, en tout cas. je dis ça, mais pendant toute cette période électorale-là, vos livres se sont vendus assez bien, même à Trois-Rivières. Vous l'avez lu, ça, ou vous ne l'avez pas lu non plus? Vous le ah, savez pas? Ça, par contre, je l'ai bien lu. Ah, c'est ça qu'on se dit. D'ailleurs, on peut se poser la question, se présenter en politique juste avant d'écrire. Je pensais que vous alliez m'inviter à trinquer. Écoutez, ah, ben oui, trinquons. Très con, à vos ventes de livres, à votre future élection le 21 novembre. Mais oh, c'est assez demandé, là. Est-ce qu'on se présente en politique pour vendre des livres? Parce que c'est un bel addon. Ça, j'y avais pas pensé, honnêtement. Non? Non, honnêtement. Parce que c'est un méchant addon. C'est ça. Par contre, mon éditeur était très content. Ouais. Ben, on n'en doute pas. Ben, écoutez, on vous garde avec nous. Okay. Et on va avoir Jean-Luc Mongrain tout à l'heure. On va pouvoir parler un peu plus de religion. J'espère que vous êtes prêts. Merci beaucoup. Good, excellent. Et j'ai le crucifix qui est là, si vous en avez besoin. Oui. Il est juste ici. Bon, d'accord. Rapprochez-le de la bière, parce que... Ben, je vais le mettre Dans, je vais le mettre dans la glace, à côté de la bière. Voilà, c'est bon. Ben c'est oui. Bon. Ben... Jésus va rester au frais. Vous restez avec nous. Je ne sais pas si vous avez suivi la polémique qui est née suite à un texte de Christian Rioux dans Le Devoir sur le chiac et la créolisation du français. Bon, en même temps, c'était dans Le Devoir, ouais. Donc ça se peut qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui le sache. Oh, mais, c'est méchant et vilain en même temps. Mais, ça nous a quand même inspiré l'idée d'une dictée, hein? Un peu groove, un peu plus en tout cas celle, ouais. Que celle de Bernard Pivot. On écoute. Salut, c'est Jacques de TVTV. Tu gives pas un fuck de l'Académie française? Tu rides autant mal le French que la langue de Shakespeare carguée dans ton jacuzzi? Ben, guess what? TVTV t'invite à la dictée des Acadies, le tout premier contest d'orthographie en chiac organisé par Larousse. Pas le dictionnaire, là. Juste une chicks rousse random. Basically, la dictée des Acadies réunit des enfants spéciaux de toutes les Acadies. Fait que si t'es un enfant spécial, drop ton becherel dans le trash can et viens worder dans les mots de la big poésie de TVTV. Hâte la dictée de l'Acadie, ton écriture peut jamais être wrong. Y'en a pas d'Académie de chiac. Pour venir enjoyer la dictée des Acadies, remplis le formulaire d'inscription dans Le Devoir juste en dessous de la chronique de Christian Rioux. La dictée des Acadies, à chacun son chiac. Eh bien, on est en novembre, vous le savez, c'est donc Movember. Oui. Le mois où les hommes se font pousser la moustache pour amasser de l'argent pour le cancer de la prostate. Et notre philanthrope reporter tout-terrain, également propriétaire d'une prostate, a décidé de s'impliquer pour la cause. On va rejoindre Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, bonsoir. Ah, Jean-Philippe, bonsoir, comment allez-vous? Ça va super bien. C'est vrai ça? Oui. Mm-hmm. Je vous le dis. Ben voilà. Bon, vous avez décidé de vous faire... Mais non, mais je suis patient. Mon Dieu, que c'est stressant. Ah, Colin, vous avez décidé de faire pousser la moustache, vous, je te garde. Absolument pas. D'une part, parce que les moustaches, je trouve ça assez le merci. Et comme vous le savez, je suis relativement créatif. J'ai voulu faire montre d'un peu d'originalité. Ouais. Alors, j'ai décidé pour la cause, aujourd'hui, devant vous, de subir un examen de ma jeune prostate. Et évidemment, dans le but de sensibiliser le public aux maladies masculines et pour démocratiser, d'une certaine façon, le toucher rectal, ce mal-aimé Jean-Philippe. Ouais. Donc, pour ce faire, je me trouve actuellement dans la salle d'attente de la clinique privée Créamed, qui est située au 2055 rue Mintfield, à Montréal, où je vais rencontrer dans quelques minutes le docteur Luc Bessette, qui va me tâter la glande et me donner mes résultats live ici pour votre bénéfice. Mais vous savez, je me suis dit, ce serait peut-être plus intéressant de partager l'expérience avec quelqu'un d'autre, avec une personnalité qui est dans l'actualité présentement. Alors, je me suis dit, j'ai besoin de quelqu'un qui soit, un, intéressant, deux, évidemment, détentrice d'une prostate et j'ai systématiquement pensé à la papette du web au Québec, Madame Michèle Blanc, qui est avec moi pour se faire examiner la prostate. Madame Blanc, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être ici avec nous. Vous avez une nouvelle biographie qui vient de paraître qui s'intitule Un genre à part. On va en parler un peu plus tard. On se retrouve tout de suite, Jean-Philippe. Je suis pas sûr, mais... On va y penser, OK? Je demande au public parce que c'est controversé. Merci, bye. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier. Une émission qui va s'ennuyer de Gérald Tremblay, mais pas pour les bonnes raisons. Eh bien, on va aller voir quelqu'un qui porte pas la moustache, mais qui n'hésite pas à dévoiler de façon ostentatoire sa superbe barbe poivre et sel. Ouais. Et d'ailleurs, si vous voulez prendre 8 minutes, question qu'il reste plus de temps, Jean-Sébastien, n'hésitez pas. Ouais, c'est le fun de, de passer tout de suite après, ouais. Oui, ben que de palpitations historiques en cette semaine avec la réélection de Barack Obama et la démission de Gérald Tremblay, même si on sait très bien que dans les deux cas, rien ne va vraiment changer, à moins d'être un grand naïf, ce que je ne suis pas, en tout cas, pas cette semaine. Mais tout ça est très secondaire, puisque la soirée est encore jeune. Nous accueillons cette semaine quelqu'un qui a fait l'histoire pour vrai et qui a eu un impact important. Non seulement sur ma vie, hein, je fais une espèce de coming out, si on peut dire, mais sur tout le Québec. Désolé, Madame Benhabib, je ne parle pas de vous, bien que je ne doute pas qu'un jour vous puissiez faire l'histoire vous aussi. Je gagerais même mon chapelet là-dessus. L'homme qui a fait l'histoire et qui est avec nous ce soir, c'est Jean-Luc Mongrain. Hein, ah oui, on va le savoir ça. Un peu plus tard. Un homme, oui. Un homme qu'on peut considérer comme le père spirituel de toutes les grandes gueules d'opinion qui sévissent aujourd'hui. Il y a eu un avant, il y a eu un Mongrain et il y a eu un après. C'est vrai. Il faut être de la génération X comme moi pour en arriver à un tel constat, puisque la génération des Y, hein, pense souvent que l'univers s'est créé le jour de leur naissance, quand ils se sont extirpés eux-mêmes de leur propre nombril. Ils ignorent souvent dans quel désert médiatique se trouvait le Québec avant que... M. Mongrain ne prenne d'assaut les ondes québécoises dans les années 80. C'était bien sûr l'époque où les médias sociaux n'existaient pas encore. Hein, les téléphones cellulaires en étaient à leur balbutiement et se détaillaient 2 600 $ pièce. Ouais. Les libéraux de Robert Bourassa étaient au pouvoir et Gérald Tremblay était un ministre provincial, à son insu probablement. C'était l'époque où il n'y avait pas de chaîne d'information continue comme RDS et LCN, ce qui fait qu'on voyait rarement des images d'archives jouées en loop aux heures de grandes écoutes. C'était aussi l'époque où Radio-Canada avait encore de bonnes cotes d'écoute. Hein. Oh boy. Et les soirées électorales se passaient en studio et non pas sur le toit des ambassades en se gelant les billes. Le bigot sévissait déjà, mais sur la bande AM, avec exactement les mêmes collaborateurs qu'aujourd'hui et avec exactement les mêmes transitions musicales qu'aujourd'hui. J'y repense et j'ai l'impression que c'était samedi passé. Le téléroman le plus écouté était Terre humaine, un téléroman qui, par son ennui congénital, ferait passer aujourd'hui l'auberge du chien noir pour un Dexter caniché. C'est dans ce Québec d'il y a 30 ans qu'apparut Jean-Luc Mongrain, un homme qui allait tout changer et nous faire entrer dans l'ère de l'opinion, chose qui n'existait à peu près pas à l'époque sur nos ondes, ne l'oublions pas. Ouais. Mongrain, avec son regard exorbité et ses propos directs, allait transformer pour de bon la façon dont on traiterait l'information pour les 30 années à venir. C'est avec des émissions comme L'heure juste, mais aussi surtout Mongrain de sel, qu'il entama sa révolution. Mongrain de sel, avec un titre comme ça, on se demande d'ailleurs si c'est pas Guy Mongrain hein, qui a pensé. Mais, mais Mongrain ne révolutionna pas seulement le traitement même de la nouvelle, il révolutionna la façon de livrer la nouvelle, et ce, en le faisant debout, alors qu'il pilotait le bulletin de nouvelles de TQS dans les années 90. Hein. Ouais. Ce fut certainement une inspiration pour Patrice Roy, qui le fait si bien aujourd'hui, mais pas nécessairement Pierre Bruno, qui livre toujours ses nouvelles assis et parfois même à genoux, surtout quand la nouvelle qui ouvre son bulletin est l'inauguration du nouveau service de téléphonie cellulaire de Vidéotron. Le phénomène Mongrain inspira également une myriade d'imitateurs, ce qui confirme le statut culte de notre invité. Je me remémore d'ailleurs avec beaucoup d'émotion les samedis soirs avant le hockey, alors qu'on pouvait voir Pauline Martin, la météorologue et accessoirement comédienne, briller dans sa personnification de Jean-Luc Mongrain à l'émission Samedi de rire, sûrement une autre trouvaille de Guy Mongrain. Vraiment, monsieur Jean-Luc Mongrain, j'aimerais vous remercier d'avoir créé un monstre, d'avoir ouvert la voie à une multitude de grands gueules qui maintenant sont omniprésentes dans notre paysage médiatique. Oui, nous en avons peut-être trop selon certains, et oui, il y a eu des dommages collatéraux, c'est-à-dire les Richard Martineau, Éric Duhaime, Mario Dumont. Mais c'est quand même grâce à vous, M. Mongrain, que je fais ce métier. C'est vous qui m'avez transmis le goût de gesticuler derrière un micro, de m'insurger envers nos politiciens et de boire du café en quasi-permanence. M. Mongrain, vraiment, merci. Je suis content. Non, mais... Je suis content qu'il soit là. Moi, il a marqué ma tendre, mais pas ma tendre enfance. J'étais début adolescence, mais écoute, Jean-Luc Mongrain, vous en rappelez pas, M. Vautier? Mais non, mais attendez, je veux dire, j'ai pas 8 ans. Je m'en rappelle très bien. Attendez qu'on le reçoive. Il va être là pour vrai. Vous viendrez demander son autographe. Il n'y a pas de problème là. Merci quand même, c'était très bon. Ah, ben bon Dieu. Caroline de mine. Non, mais j'essaie d'allonger ça parce qu'il faut tourner par là, Jean-Sébastien. Jean-Sébastien. Jean-Philippe. Ben oui. Alors, ben voilà, toujours à la clinique Créadec avec Michel Blanc. On attend de se faire examiner. Alors, ça devrait être dans quelques secondes. OK. On est prochain à passer. Mais si vous voulez, Madame Blanc, en attendant, on va parler un petit peu de votre biographie. Bon, ça c'est correct. Un genre à part qui est en magasin depuis cette semaine. Ouais. On fait bien des faces, Madame Blanc, mais je vais vous confier un truc. Votre biographie, désolé de vous le dire, mais je l'ai lu. Et je dois vous dire que j'ai été quand même assez touché à plusieurs reprises. Vous avez une sacrée force de résilience, un sacré panache pour avoir passé à travers tout ça. Pourquoi c'était important pour vous de partager ce récit-là? Ben, parce que c'est sûr qu'on devient tout d'un coup sérieux, là, mais c'est vrai que moi, si je suis encore ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai lu des histoires de, d'autres pansexuels qui ont passé au travers ces changements-là. Et ben, c'est à mon tour de partager en français pour le Québec ce que moi j'ai vécu, parce que je sais que ça aide les gens. Il y a quelque part, c'est quand même une image qui aide toutes sortes de monde, puisque devenir soi-même, c'est toujours un parcours. Et quand on arrive à être finalement soi-même, évidemment, ça bouscule des gens et des choses, mais au bout, il y a quand même le bonheur. Mon Dieu, je ne sais pas comment gérer ça, l'émotion. Malgré ça, évidemment, vous le savez, vous avez des détracteurs, des gens qui disent souvent, si vous avez du succès, Madame Blanc, c'est parce que vous vous êtes fait couper la zouise. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Les gens qui disent que j'ai du succès parce que j'ai changé de sexe, je dis, si vous êtes convaincu que c'est la clé du succès, je venez-vous pas. Excellente réponse. Et vous dites aussi, en terminant dans votre ouvrage, je ne serai jamais la femme que les autres voudraient que je sois, ni celle que j'aurais voulu être. Quelle est cette femme que vous auriez aimé être? Andrew Locklear. Oui. Elle est encore en vie. Une très, très, très, très belle femme. Ouais. Et puis ici, ce serait qui? Ici, ce serait qui? Je sais pas moi. Francine Grimaldi. C'était un excellent choix. Madame Blanc. Oui. Madame Blanc? Ah, oui, parfait. Alors, le docteur nous appelle, Jean-Philippe. Alors, on entre dans le bureau et on vous revient dans quelques minutes avec le résultat de notre examen. OK. Bye. Fred, notre deuxième invité. Il a révolutionné le monde télévisuel grâce à son regard particulier sur l'actualité et une présence à l'écran unique. Il prépare maintenant un livre afin de transmettre son héritage. Voici M. Jean-Luc Mongrain. Salut. Merci. Merci. C'est bien. Plaisir. Et là, comptez-vous chanceux, M. Mongrain, parce que des hommages, Fred, il en écrit un aux 20 ans, puis yeah, c'est fait. C'est fait. Ouais. L'émission existe depuis combien de temps? C'est le seul, je pense. Oui. Franchement, j'ai même été impressionné. Oui. Monsieur Mongrain, élection provinciale, démission de Jean Charest, démission de Gérald Tremblay, élection américaine, commission Charbonneau. Comment ça se fait que vous avez pris votre retraite à ce temps-là? C'est un concours de circonstances. Puis je dois dire, par exemple, que j'ai quelque chose à dire là-dessus. Ah ben j'espère bien. Que je suis tout à fait satisfait de ne pas avoir été en onde. Pour vrai? Oui, parce que ça m'a donné un autre regard. Quand tu es au quotidien, dans le commentaire, dans l'analyse du fait politique, et que tu as la responsabilité, entre guillemets, en tout cas la tâche ou la job, que le lendemain, tu dois émettre un commentaire, donner une opinion ou faire une analyse et faire une entrevue, tu n'as pas le même regard que le citoyen. Et je ne fais pas de moi quelqu'un qui n'est pas un citoyen quand je dis ça. Je dis simplement qu'on ne regarde pas les choses de la même façon. Et à quelque part, on les regarde avec du scepticisme, on les regarde pas comme un contribuable, on les regarde pas comme un mon micro marche pas. Non, je pense que c'est le mien qui marche pas, parce que voulez-vous que je vous dise, je m'assois de n'importe comment sur tes divans là, puis les fils ça fonctionne pas. Ah, c'est parce qu'il est à côté de moi. OK, c'est quoi ça? OK. Une chance qu'on fait pas de radio-vision. Non, je veux dire, c'est assez gênant. Mais je comprends tout ça, mais en même temps, je veux dire, faut dire que pendant les 30... Combien? Ben, ça dépend. Si vous mettez la radio, j'ai commencé à 23 ans, j'en ai 61. Ça fait 38 ans que quotidiennement, j'ai à dire quelque chose. Alors, c'est chanceux que je sois venu te parler. Mais vous êtes un des... je m'en compte très, très chanceux. Cela dit, vous êtes un des rares qui a sur la conscience quand même de donner une opinion qui se tient, parce qu'il y en a de moins en moins, ça, des gens qui réfléchissent à ce qu'ils disent le lendemain. Et on va le prendre. Cela dit, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, surtout la commission Charbonneau, on rêve des fois à vos montées de lait contre Lino Zambito. Puis là, on se dit... Tu dis plus ça, montée de lait. Ah non, j'ai plus le droit de dire ça. Non, je l'ai dit à l'agacé. Montée de lait, je trouve que c'est rendre... c'est faire outrage aux femmes. J'ai pas de sein. La montée de lait, c'est quelque chose qui est très beau. Ouais. Et c'est comme tomber enceinte. Je trouve ça épouvantable comme expression. On devient enceinte. Okay. C'est l'accès à un statut et non pas une diminution. Ben, est-ce que... bon, OK. Est-ce que je peux dire pétage de coche ou c'est un diminutif? Le restant, une coche? Une diminution pour les coches. Le restant, c'est est-ce que vous avez une coche? Plusieurs. Plusieurs coches. Non, non, non. Mais là, je me demande, là, est-ce que c'est votre... Je suis la mouche du coche. Est-ce que vous êtes en train de me dire que vous allez jamais revenir à TV? Je suis peut-être en train de dire ça parce que j'ai jamais voulu faire ça dans ma vie. Ah ben ça, c'est la bonne j'ai jamais faire. Couru après ça. C'est arrivé. C'est un accident qui a perduré. Et demain, on m'arriverait, honnêtement, on m'arriverait demain pour me dire, regarde ça, Jean-Luc, c'est le show qui est taillé pour toi dans les conditions ouais. que tu souhaites. Puis idéal. Je serais un peu mal pris de dire oui. Je suis assez content de cette période. Je ne dis pas que je suis retraité. Je ne le dirai jamais. Pas okay. parce que je me dirige en politique. C'est juste parce que... Mais là. C'est juste parce que on ne sait jamais. Et, 61, c'est jeune. 61, c'est jeune, hein? Ben. Mais on est des produits jetables. Oui, non, surtout à la dans ce métier-là. Oui, dans ce métier-là, vous avez tout ouais. à fait raison. Même Mike Brick, moi, ils m'ont pas engagé pour Stacky Out, alors c'est déjà ça. C'est une affaire réglée. Mais là, vous avez quitté LCN. D'ailleurs, vous avez été remplacé par Mario Dumont. Oh, mais non, mais c'est un fait. Là, c'est à grille horaire. J'ai été... il m'a succédé. Succédé, on va dire... Ben oui. J'utilise des mots tout croche, moi, aujourd'hui. Hein. Montée de lait, ben ouais. Mario Dumont. Quand vous avez quitté LCN, on s'est tous demandé pourquoi vous aviez quitté. Parce que je voulais faire les choses un peu différemment. J'ai toujours tenté, tantôt tu l'as dit, je pense, dans ton propos humoristique, mais il est vrai que moi, ce métier-là, j'ai tenté de le faire différemment. Je pense ouais. avoir contribué à ça, y avoir participé, on ne reviendra pas là-dessus. Et donc, là, j'avais comme l'impression, sur le style et la méthode, d'avoir fait un peu le tour dans la formule. Ouais, ouais, ouais. Et je voulais amener autre chose. Donc, j'ai suggéré deux ou trois autres choses. Et tu sais, les gens sont propriétaires de leur station. L'antenne, c'est eux qui ont la responsabilité ouais, ouais. de la gérer. Donc, tu ne commences pas à faire ce que tu veux. Et moi, je voulais faire autre chose. Ça n'a pas eu l'heure de leur plaire à ce moment-ci. Mm-hmm. Est-ce que ça leur plaira un jour? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un rendez-vous manqué? Possible. J'ai aucune idée. Mais je n'étais pas prêt à faire le compromis demandé. Je suis un gars qui est prêt à opérer des choses, à faire des pas de la compromission, mais faire des compromis. Puis ça n'a pas donné. Alors, j'ai préféré, plutôt que de rester accroché là, de dire, regarde, m'envoie sur les lignes de côté. Je vais regarder la game. Ben justement, on est à Radio-Canada, là, puis il y a les coachs qui vous regardent. Là. Ça vous intéresserait pas de venir jouer pour Radio-Can? Oui. Faut pas être à l'argent, ouais, c'est ça. Là. Faut ça pas être à l'argent, ça, c'est la seule affaire. Mais qui... C'est pas le premier ministre du Canada qui est directeur des programmes? Non. Ben attendez, non, c'est son ministre, je pense. Non, c'est ça. Non, franchement, on n'a pas le droit de faire ces jokes-là, sinon... Non, je pense pas. Okay, excusez-moi. Non. Mais à Radio-Canada, en fait, votre photo à côté d'Anne-Marie Dussault, Patrice Roy, Céline Galipeau, ça vous tenterait pas, ça? Est-ce que vous fitteriez dans le... Vous fitteriez, comme on dit en français? Je suis passé très proche. Hein. Il y a 3 ans, on est passé à... Un zéro? Une demi-journée. Ah, OK. À une demi-journée. Ah, ben voyons De faire atterrir un projet que je trouve encore extraordinaire. À la télé? À la télé ou à la radio? À la télé, oui. Ouais. Et ça n'a pas été possible. Et, bon, pour des raisons qui appartiennent à la société, pas vous. À la grande non, maison. Mais c'est un peu quand même. Je n'ai pas... ça ne s'est pas concrétisé. On est traversé de l'autre côté de la rue. Ben oui. Et... voilà. Ben, ça veut dire qu'on a encore espoir de pouvoir vous voir à la télé bientôt. L'espoir, c'est une très, très vous savez, ça fait vivre. Ben oui. L'utopie fait avancer. Ben, vous avez tout à fait raison. Puis parlant d'espoir, justement, on en parlait un petit peu plus tard. Là, j'ai mis Jésus dans le froid. Ça, j'ai là, pas aimé ça. Non, je sais bien, je vais l'enlever. Mais c'est parce que j'avais pas de place pour ça, le mettre. J'ai pas aimé ça. Tu sais qu'il y a un artiste espagnol qui a fait une exposition de la sorte à Montréal il y a plusieurs années sur les liquides corporels. Et il avait mis le crucifix comme ça dans une chaudière et ça baignait dans l'urine. J'ai trouvé ça outrancier et ça n'a rien à faire avec ma foi ou d'être bigot. Je pense que la laïcité ne se fait pas sur le dos des religions. Elle se fait dans une affirmation d'une neutralité des individus citoyens en rapport avec la chose de l'État. Hey. Par contre, le citoyen, lui, a le droit, dans sa vie privée, d'avoir sa foi, ses gestes, ses rituels, ses cultes et ses raisons d'appartenance. Vous savez, je suis théologien, moi. Vous savez que sais bien. Et vous venez de tomber dans Tal à Jamie Lug, comme on dit. Parce que vous avez étudié en théologie. Oui. Vous vouliez faire moine. Pas du tout. Ah, ben c'est une bonne nouvelle. Pas du tout. Je me suis plus à dire pendant toutes ces années que j'étais un des seuls agents libres qui était là-dedans. J'avais signé pour aucune compagnie religieuse. Je ne portais aucune uniforme, quelque chandail ou col que ce soit. Ah non, donc... Ni même roulé. Et puis personne ne vous a engagé. Personne ne vous a engagé pour... Non, à long terme non, là-dessus. J'ai pas embarqué là-dedans. Vous avez fait des études de théologie ou de philosophie? Théo. D'accord. Ouais, théo, éthique. Théo, éthique. Et qu'est-ce que quelqu'un qui a fait des études en théo éthique pense justement de ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale et de cette idée de charte de la laïcité? Là. Moi, une charte de la laïcité, c'est à mon point de vue, c'est une façon politique de laisser croire qu'on réglerait le cas d'une nation ou d'évolution des individus. Madame, ici, que j'ai eu beaucoup de plaisir, je pense que c'est enfargé quand elle a dit de l'enlever de l'Assemblée nationale, le crucifix. Ben non, non, pas parce que ça a une connotation religieuse, c'est pas pour cela. C'est qu'il y a, dans la tradition canadienne, oui, québécoise, surtout, un christianisme qui a participé à ce que nous sommes, qui ne fait pas aujourd'hui qu'il oriente nos décisions, mais qui fait partie... un peu plus que folklorique, qui fait partie, à mon point de vue, de la pérennité de ce que l'on est et de notre identité à quelque part. Lorsque nous accueillons des gens, oui, on les accueille aussi avec leur croyance, leur foi, leur souche socioculturelle. Et je suis de ceux-là. Moi, j'ai fait une émission, un des premiers à la télévision. C'est aussi nous autres. Je faisais ça à tous les vendredis, quand j'étais à TQS. Vendredi soir? Oui, à tous les vendredis. C'est bien ingrat, cette case horaire. Oui, mais il était encore 5 heures. Ah, à 5 heures, c'était pas un quiz. Ah, c'est ça. C'est bien fin de me rappeler, par exemple. C'était pas un quiz. À quelque part... C'est correct, on va arrêter l'entrevue bientôt, là. À quelque part, il y a là-dedans, à mon point de vue, à nous à faire une démarche qui est celle d'assumer la laïcité. On crie et on demande la laïcité, mais on n'a pas une laïcité assumée. Je le dis souvent. Les filles aiment mieux se marier à l'église. Ouais. Ils ne savent pas pourquoi, mais c'est plus beau dans l'allée. Il y a plus de dorures et c'est mieux pour la photo. On aime mieux être porté par les autres. On y va deux fois à l'église. Vous dites que vous ne voulez pas faire de politique. Avez-vous été recruté par la CAQ, vous, coudonc? Non, j'ai été flirté. Arrêtez donc. Là, on va être obligé d'arrêter ça, mais j'ai l'impression que Jimmy là à côté a beaucoup de choses à dire. Ben, allez-y, Jimmy. Mais c'était un flirt profond ou léger? Vous savez, les flirts... Lorsqu'ils ne sont pas consommés, demeurent toujours. Bon, ben, je vais vous laisser, vous deux, parce que moi, il faut que je continue, mais j'aime bien ça. Mais merci beaucoup, M. Morgan, vous restez avec nous. Et on va aller écouter notre prochain. On va voir la prostate. Ben, non, pas. On va se donner un break. On va se donner un break. Parce que moi, j'avais une moustache à faire envier mon verre. Ben, je le sais! Que j'ai perdu. Ben oui! Mais j'ai toujours le reste. Et ça rassure. Mais avant, on va aller parler à notre prochain chroniqueur, Fred. Habitué à traiter d'histoires d'objets sur la première chaîne, il traitera d'histoires de jambon cette semaine pour nous. Voici la chronique de Guillaume Saint-Onge. Guigui! Bonsoir! Hey, quoi de neuf cette semaine, Guigui? Comment ça va, mon bel homme sexy? Ben, ça va super bien, merci vous-même. Alors oui, très bien. Gros début de semaine pour Jean-François Maurras, hein, l'étudiant qui poursuit Gabriel Nadeau-Dubois pour outrage à son cours de gouache. Monsieur Maurras qui s'est dit victime d'intimidation parce que des gens ont publié ses informations personnelles sur Internet. Ce qui, on s'entend tout le monde, est inacceptable, ouais. Mais ça devient soudainement moins révoltant quand on apprend que jusqu'à dimanche dernier, Maurras publiait lui-même ses coordonnées personnelles sur son blog. Ben, c'est sûr que ça... Mais à choix, évidemment, on parle pas de ça. On est beaucoup trop touché par le drame de M. Maurras. C'est connu, hein, les animateurs de Radio Poubelle sont bien sensibles à ça, l'intimidation. Ouais. On écoute Dominique Josilito-Moret qui arrache une confidence à Jean-François Maurras. Jasmin Roy, tu n'as pas parlé? Ouais, il est pour non, ben moi j'avais envoyé un courriel avant mon injonction. Ah ouais? Parce que je me sentais vraiment intimidé puis je voulais qu'il fasse de quoi, mais j'ai pas eu aucune réponse. Ouais. Je veux rien dire, mon GF, mais d'après moi, Jasmin Roy, il y a eu exactement cette réaction-là en lisant ton courriel. Un autre gros événement cette semaine, ouais, c'est l'élection de Tammy Baldwin, qui est devenue la première sénatrice ouvertement lesbienne, ouais, de l'histoire des États-Unis. Tout à fait. Une preuve que les gens sont de plus en plus ouverts et tolérants, comme à Radio Pirate, par exemple. Yves Landry et sa gang qui ont eu cette semaine une discussion très éclairée au sujet des femmes hétérosexuelles qui deviennent lesbiennes. C'est quoi l'homosexualité, là? Est-ce-tu si clair que ben, ça? Il y a du gauche, du droit, il y a du centre, puis à un moment donné, tu tombes d'un bord ou de l'autre. Ouais, ça se peut. J'imagine, dans la gravité. On peut pas dire ça, déjà. Pourquoi non, on se... Non, non, non, Jasmin Roy va venir ici en okay. courant. Wow. La gravité du trouble! C'est la semaine à Jasmin. Alors, c'est prouvé encore une fois. Les animateurs de Radio Poubelle sont vraiment contre ça, l'intimidation. Ouais. Et parlant de pas fin, il y a le prétendu numéro 2 de la mafia montréalaise, Joe DiMarlo, ouais. qui s'est fait assassiner cette semaine. Et ça, c'est dommage parce que selon Claude Poirier, Joe DiMarlo, c'était un homme qui était très bien vu. Il était très bien vu parce que moi, je me souviens, entre autres, un jour, Paul, j'étais sur la 42e, près de la 8e. Je traversais la rue puis je me faisais crier. C'était Joe DiMarlo qui était avec deux autres Italiens qui étaient de l'autre bord de la rue. On a parlé pendant quelques minutes. C'était un gars qui faisait beaucoup de voyages. Ouais. Bon, ben merci Claude pour cette information pertinente. Hein? On prend des notes. Jean-Philippe Wautier, si vous voulez être un homme bien en vue comme Joe DiMarlo, ça se passe au coin de la 42e puis de la 8e. Amenez-vous un casque, par exemple, juste pour être sûr. Cette chronique-là ne serait pas complète sans parler de la grosse nouvelle montréalaise de la semaine. Ouais, ça ouais, s'est ouais. passé ben, la lundi démission... soir à 19h précisément. La démission du maire. Non, moi, la visite de Carrie Price à l'antichambre. Ah oui? Carrie qui est allée à RDS pour faire une grosse plug sale pour Assassin's Creed 3. Qui est un jeu. Un jeu vidéo de guerre dont il est le porte-parole. Et il a très bien fait ça, d'ailleurs. Dans l'extrait qui suit, Carrie joue au jeu en direct à la télé pendant que l'animateur lui pose des questions en français qui sont traduites en simultané dans ses oreilles. Vous comprenez rien? Non. Carrie non plus. Carrie, t'es un amateur de jeux vidéo? Yeah, I'm just trying to... Oui, mais j'essaie de faire alors, sauter le plus les c'est de détruire les bateaux. Là, on est où? On est dans les mers, donc les mers des Caraïbes. C'est peut-être, je sais pas, moi, c'est peut-être la route du Rhum ou je sais pas trop quoi, là, mais... Oui, la route du Rhum, une route que Carrie Price connaît très bien. Peut-être un bon choix de porte-parole, finalement. Et au même moment, lundi dernier, Wautier, vous en avez parlé, notre ami Gérald Tremblay, qui annonçait finalement sa démission. Mais oui. Alors, tel un chanteur de In Excess qui s'asphyxie dans sa chambre d'hôtel pendant un orgasme, Gérald a fait pour sa ville un dernier acte d'amour. Je fais donc ce que je considère être pour moi l'ultime sacrifice. Mon dernier acte d'amour dans l'intérêt supérieur de Montréal. Alors, messieurs Maurras, Landry et Moret, Gérald Tremblay nous a appris quelque chose de très important cette semaine. Mieux vaut mourir dans l'amour que de vivre dans la violence. Ah, c'est tellement beau! C'est tellement beau, Guillaume! C'est le moment que personne attendait. Ah ouais, on y va pour vrai, là? On va aller retrouver Jean-Sébastien. Jean-Sébastien. Jean-Philippe, c'est donc ça. Toujours à la clinique Créa. Mais demain, c'est fait, Jean-Philippe. Nous sommes dans le bureau du Dr Bessette. Oui, chez moi, avons donc réussi à passer au travers cet examen-là. Avec le Dr Bessette qui est avec nous, qui a fait l'examen avec beaucoup de doigté, je dois le dire. Il a mis ses gants blancs pour l'opération. Puis toujours, Madame Blanc, comment ça s'est passé? Madame Blanc? Excuse-moi, je suis encore un peu dans les vapes. Dr Bessette a des doigts très, très, très okay. délicat. C'est vrai que vous êtes délicat, Dr Bessette? Oui, mais je suis encore sous le choc, moi. Hein? C'est pas tous les jours qu'on fait l'examen de la prostate d'une femme. Et puis, sa prostate, ça va toujours, mais c'est son cœur qui est fragile. Hein? Pas assez proche de me tomber dans les bras. Bon, alors, on parlera pas juste de sa prostate. Elle, c'est le mois de novembre, Movember. On vient donc subir un test de dépistage du cancer de la prostate. Oui. Oui. Donc, évidemment, qui doit se sentir concerné par cet examen-là? Oui. Ben, habituellement, les hommes, exceptionnellement certaines femmes, comme on a vu. Et puis, écoutez, de fait, généralement, les hommes en haut de 40 ans qui sont plus à risque de développer un cancer de la prostate. Et ça se fait, l'examen, principalement par un toucher rectal qui va permettre de voir la grosseur de la prostate, s'il y a un nodule qui est plus ferme, qui est suspect. Et aussi, un examen de sang qui va pouvoir nous déterminer s'il y a certains enzymes de la prostate qui sont élevées. Mm-hmm. Et quand ça dépasse un certain seuil, ça nous alerte qu'il peut y avoir un problème. Parfait. Donc, en terminant ici, nous sommes dans votre clinique, une clinique privée, donc il y a des coûts à défrayer. Aussi, Dr Bessette, vous avez eu la grande générosité d'offrir un cadeau à Fred Savard, Jean-Philippe Wautier et Jean-Luc Mongrain. De quoi s'agit-il exactement? Essentiellement, lors de leur visite, le toucher rectal sera gratuit. Ben... Complètement gratuit. Totalement gratuit. Parfait. Écoutez, c'est beaucoup de générosité. On vous remercie infiniment. Madame Blanc, donc, comment ça s'est passé en substance? Moi, je suis encore... Je suis encore faible. Ouais. Je suis encore dans les... Oui. Alors, on va vous laisser d'abord okay. dans ce cas-là. Et moi, Jean-Philippe, encore comme la semaine dernière, je vais montrer mes petits bobos au docteur parce que c'est pas encore parti depuis la semaine dernière. Ben, j'ai envie de vous dire, je vous remercie pas tant que ça. Au revoir. Vous êtes bien fin, au revoir. Oui, c'est mon grain. À grandeur des yeux que j'ai, je vais laisser faire cette offre. Puis moi, de toute façon, j'ai pas 40 ans. Je vais aller deux fois, va prendre. C'est ça. Vous prendrez trois, ça vous dérange pas, Fred Savard. Ça saisit. Et Colin Debine, que c'était bon, cette affaire-là. Fred, notre prochaine chronique. Oui. L'actualité, son terrain de jeu, elle s'amuse visiblement comme une folle. Voici la chronique de Léa Strelitzky. Léa. Bonjour. Comment ça va? Eh bien, écoute, ça va très bien, Jean-Philippe. C'est vrai? Oui. Je vous offrirai une bière, mais... Mais je performe à jeun. Ah oui, c'est vrai? Oui. Ben écoutez, allez-y. Je suis comme même, ça. Bon. Je suis la seule, mais ben je oui. le fais. Bonsoir, Jean-Philippe, ça va bien? Ben oui, je voulais vous oui, oui, ça va super oui, bien, OK. Ouais, on l'a fait, hein, ça. Ben déjà? Ouais, mais non, mais il y a cette histoire de prostate, là, ça me stresse bien. Ben écoute, je comprends. Je suis ben tellement désolée. Pour une fois que nous, on a un avantage. bon, allons-y, hein, straight oui. pipe de même. Oui. Les nouvelles insolites cette semaine. S'il vous plaît. Alors, savais-tu ça, Jean-Philippe? Je sais que pas. Le laboratoire canadien Trimble est en train de nous développer un Viagra pour femmes. Arrêtez donc. Mais je te le jure, c'est écrit dans le journal, ça doit être vrai. Ben c'est sûr. Merci, mesdames. Le Tefina, c'est un gel à inhaler par le nez. Je comprends rien. Respirer du gel, ça a l'air le fun. Ouais, en tout cas, je m'en vais m'acheter ça. Il faut le faire 2 heures avant un rapport sexuel. Ça veut dire que tu passes 2 heures avec du gel dans le nez. Hein? Ouais. Ben, déjà que des fois, t'en as à la fin, du gel dans le nez. On... Ah! J'ai rien dit! Ah! Je le sais! Ben non, mais écoutez, je trouvais ça écœurant, la chronique de Jean-Sébastien. Ben, écoute, je suis tellement contente que Jean-Sébastien soit passé avant moi. Ben... Parce que moi, je pensais que cette joke-là était sale. Écoute. Ben, je l'aurais enlevé, je l'avais lu. Écoute. Continuez. Selon le Medical Daily, le ouais. Tefina serait surtout utile aux patientes pour lesquelles le sexe est devenu une corvée plutôt qu'une source de plaisir. Une corvée. Hey. Trouver des femmes qui trouvent que le sexe est une corvée. Ils trouveront jamais ça, voyons, hein, mesdames? Ben là, c'est votre problème, c'est pas de ma faute. Il y a pas beaucoup de femmes mariées dans la tâche. En tout cas, moi, je le suis. Parlant de faire des folies de son corps, oui, à Chicago, le soir des élections, oui. une madame était en train d'accoucher. Oui. Quand tout à coup, oui. elle a décidé d'aller voter pareil, même si elle avait des contractions. Arrêtez ça. Des fortes contractions, même. Ben ouais. Eh ben. Le responsable du comté, oui. David Orr, il a oui. qualifié son geste de prouesse. Peut-être pour lui, là, mais impossible n'est pas femme, Jean-Philippe. Hein? Okay. On a au moins 5 bonnes minutes entre les contractions. Ça te donne largement le temps de te faire un sandwich puis d'aller voter. Veux-tu que je te dise ce qui est une vraie prouesse, Jean-Philippe? S'il te plaît. Que 49 % des Américains aient réussi à voter malgré le lourd handicap mental qu'il faut pour penser que Romney ferait un bon président. Ça, c'est un handicap! Hein? Ça, c'est votre opinion. Écoute. C'est hey. Votre opinion, Léa. Non, non, hey, on parle pas de petits handicapés cute comme Forrest Gump, là, là. Non, non, non. Des légumes, Jean-Philippe. Des légumes. Je salue, moi, le courage de ces gens-là notre qui insistent... Notre monteur va se coucher tard. Merci, Fred, de m'aider. Je sais que t'es toujours là pour moi, je le sais. Hein? Je salue, moi, le courage de ces gens-là qui oui. insistent, élection après élection, à oui. participer à la démocratie avec leurs 2 doigts et leurs 4 neurones fonctionnels. Oui. Chez nous comme ailleurs, Épais United, merci de donner tout son sens à l'expression « Il n'y a pas pire système que la démocratie. » Point. Ah oui, c'est votre fin de chronique comme ça, mon Dieu. Ça donne ben, pas espoir à personne, ça. Fred dit que j'ai pas de temps, là. Non, pas non, merci. Hey. Merci, Léa. De rien. Eh bien, c'est sur cette note d'espoir, hein? Ouais. On vous dit que c'est déjà terminé. On vous invite à rester à l'écoute parce que dans quelques minutes, c'est le cabaret de Plus on est fou, plus on lit. Et bande à part, merci à toute l'équipe. Fred Savard, exceptionnellement cette semaine, Guillaume Saint-Onge, qu'on applaudit. Merci, Guillaume. Merci. Marie-Claude Bocage, Julie-Christine Parent, Jean Gagnon, Steve Côté, Jean-Sébastien Girard, évidemment, ben moins un peu cette semaine. Et évidemment, le multi dans la tuile, Philippe Roberge à la musique. Un immense merci à nos invités, Jimmy Lovenabib. Bonne chance pour les élections du 21 novembre prochain. Et bonne chance pour votre établissement à Trois-Rivières. On va aller vous aider. Il y a plein de monde ici. Ouais. Si vous avez de la misère, là, merci. Et on peut comprendre. Jean-Luc Mongrain, merci. On a hâte de lire votre livre et de vous revoir à la télévision, peut-être, de Radio-Canada. Ça serait merveilleux. Je vous merci, le dis. Merci. Et quant à nous, ben, vous pouvez nous suivre sur Twitter à twitter.com/lasoirée et nous réécouter grâce à notre balado. Écrivez-nous pour assister à notre prochaine émission. On enregistre les jeudis à 17h et nos invités la semaine prochaine, Thomas Mulcair et Christian Bégin. Oui. Alors, ben oui, 2 barbes à l'émission. Deux barbes. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune. Merci tout le monde.